L'éclosion, chapitre 1. Tu n'es pas honteux de rentrer à 3 heures du matin, dis. Réponds, hein. Les cafés ferment à 11 heures. Où peux-tu aller? Chez des filles? C'est dégoûtant. Va te coucher. Et Jean Picot, que son père en chemise, un bougeoir à la main, dans l'encadrement de la porte ouverte sur le palier, admonestait de la sorte, entra dans sa chambre en haussant les épaules. « Nous n'en ferons rien de bon, » dit le père, en se coulant entre les draps auprès de sa femme. Madame Picot, qui sommeillait, ne répondit rien. Son mari en fut fâché. « Oh, d'ailleurs, tu le soutiens. Tu trouves pain béni tout ce qu'il fait. Mais tu verras. » Et tout en bougonnant, il s'endormit, pendant que Jean, penché sur la table, notait ses impressions de la journée. Jean avait appris que certains hommes de lettres ne manquaient pas de faire ainsi avant de se coucher. Et il écrivait fiévreusement, cherchant des phrases poétiques, inventant, embellissant, laissant courir son imagination. Qu'avait-il fait ce soir-là? Il était allé après dîner chez son ami Varé. Ils avaient lu ensemble divers volumes de vers que Varé avait fait venir de Caen. Puis il avait dit une pièce composée dans la matinée au bord de la Dive. Ensuite, s'était promené seul dans les rues de Saint-Pierre-sur-Dive. Mais quelle bonne farce il avait joué à Varé. Étant arrivé, à force de lire les nuits de Musset, à les pasticher passablement, y ajoutant une nuit de février au calendrier de ses imitations, il l'avait lu à son ami, qui, peu sagace, l'applaudit, lorsqu'il la lui donnait comme une œuvre posthume et inédite du poète. Varé s'était pâmé devant de ses vers en y trouvant des beautés. Picot en concluant qu'il était un grand poète, ce qu'il n'avait osé penser jusqu'alors, étant modeste. « Et moi aussi, je suis poète. » Et se rappelant les détails de l'enfance de nos grands hommes, appris dans leurs souvenirs une de ses lectures préférées. Il convenait que de pareils événements avaient marqué ses années de collège. N'était-ce pas un signe? Et n'était-il pas prédestiné? Tout jeune, à 4 ans, il avait de remarquables dispositions, ainsi que disaient les frères. Les ignorantins dans les petites villes faisait alors des visites de maison en maison. Quelques jours avant la fin des vacances, il cherchait, dans les ménages, un enfant en âge de commencer ses classes, et quand il l'avait trouvé, lui offrait des bonbons, causait avec les parents, les complimentait sur leur progéniture, et demandait s'il songeait à lui apprendre à lire. Le bambin était toujours trouvé charmant et intelligent, jamais trop jeune, car il fallait le soustraire à l'école primaire. Et Jean, dès l'âge de 4 ans, apprenait l'alphabet à l'école chrétienne. Il gardait un bon souvenir de ses maîtres qui, pendant 7 ans, l'avaient instruit. Chez eux, il remportait tous les seconds prix. À 11 ans, il concourait avec succès pour une place de boursier au lycée de Caen. Son père, petit marchand, de porcelaine et accessoires de ménage, n'avait pas vu d'un bon œil cet éloignement du toit paternel. Mais Madame Picot était flattée de ce triomphe, jalousée par les mères des camarades, et dont se réjouissaient les frères, le concurrent de l'école primaire ayant échoué. Jean devait faire ses classes de français. Madame Picot, ambitieuse, désirait que son fils fût médecin. Les frères lui firent comprendre que Jean devait apprendre le latin. Jean, pendant les vacances, ayant pris quelques leçons avec un des ignorantins qui avait séjourné au séminaire jusqu'à son diaconat, put, grâce à la protection du recteur de l'académie, un brave curé, enfreindre les règlements, et entrer en 7e dès son arrivée au lycée. Le latin, le grec et l'histoire l'intéressèrent, mais bien qu'il eût une grande facilité, Jean ne put comprendre un théorème. Une discussion avec le professeur de mathématiques, qui l'avait traité d'âne, le dégoûta du lycée, et il déclara nettement que l'examen de grammaire, passé à la fin de sa 4e, suffisant pour être officier de santé, il s'en tenait là. Son père n'était pas fâché de cette décision, trouvant la science inutile et, surtout, voyant arriver le moment où les 4 années de gratuité obtenues par le concours expiraient, il lui faudrait payer pour Jean ce que monsieur le maire crachait pour son fils, des sommes folles. Madame Picot voulut bien croire ce que lui disait Jean, puisque cela lui suffisait pour être monsieur le docteur, officier de santé ou médecin, point de différence. Et Jean devait retourner à Caen dans quelques jours pour étudier la médecine. Cela, c'était sa vie visible, celle que tout le monde connaissait. Mais sa vie intérieure, cachée à tous, avec une inconscience pudeur, que son tact naturel lui conseillait de voiler, voilà ce qu'il se rappelait en ce moment. D'abord, son enfance. Il avait souvenir de son grand-père, un vieillard sec, plein de rides, avec un air doux et triste. Que c'était loin! Jean allait souvent se promener avec grand-papa sur la route d'Orbec. Bien loin, à petits pas, tous deux marchaient, jusqu'à une auberge à façade rose, entourée de salles vertes. Des bancs et des stables en chêne, sous un dôme de verdure, un jeu de quilles était dans la cour. Là se trouvaient pendant la semaine les soleils, gens employés à la halle, ne travaillant que le matin, qui passaient l'après-midi à boire et à chanter avec des filles en cheveux. Le grand-père s'asseyait sur un banc et demandait à la servante une bouteille de cidre qu'il buvait à petits verres, en faisant goûter à Jean qui trouvait ça bien meilleur que chez lui. Puis Jean allait voir de plus près les joueurs de quilles, pendant que le grand-père regardait passer les voitures sur la route, causant avec des vieux comme lui. On rentrait à Saint-Pierre-sur-Dive, à l'heure du dîner, et avant d'arriver à la maison, le grand-père ne manquait point de dire « Surtout Jean, ne raconte pas que nous sommes allés chez Joséphine !» Joséphine était la patronne du cabaret. Combien ce lointain souvenir lui était doux, du grand-père, un homme autrefois presque riche, puis presque malheureux, parce qu'il était trop bon. Plus tard, de 5 à 10 ans, Jean avait été envoyé, pendant les vacances, chez un oncle, Régalard d'Ilassuy, un frère de sa mère qui demeurait au Billot, un petit village à 3 heures de Saint-Pierre-sur-Dive. On devait hériter du vieux propriétaire, épicier retiré des affaires, et pour lui faire plaisir, les Picots lui confiaient le petit Jean, qu'il aimait beaucoup, aimant à dire que, plus tard, ce serait lui qui mangerait ses rentes, Jean étant fils unique et les Picots seuls héritiers. Au Billot, Jean avait passé de bons jours, courant dans les herbes hautes, pêchant dans les ruisseaux, cueillant des fleurs, mangeant des fruits aux arbres, et revenant chaque soir, fatigué, crotté, heureux, à la ferme. L'oncle Régalard était affligé d'un nez énorme, rouge et bourgeonné, semblable à une belle fraise. Ce nez déplaisait à Jean, à ce point qu'en rentrant, toutes les bonnes impressions du jour s'effaçaient. Jean allait se coucher, boudant presque l'ancien épicier, qui s'en étonnait. Au fond, il se traitait d'ingrat, mais n'y pouvait rien. Plus tard étaient venues les années de collège. Cette vie claustrale ne l'avait pas ennuyé. Jean travaillait assez pour n'être pas puni, mais ne se fatiguant point trop, dévorant tous les volumes qu'il trouvait. Un élève avait un énorme dictionnaire. Jean le lui empruntait et le lisait constamment. De la sorte, il avait appris beaucoup, bourrant sa tête de mots, de définitions et de citations, grâce à une mémoire sûre. L'intuition chez lui aidait au savoir. Il était, comme intelligence générale, bien supérieur à ses camarades, qu'il fréquentait peu, ne jouant pas et restant dans un coin de la cour pendant les récréations, n'aimant ni les exercices violents qu'il essoufflait, ni la gymnastique, ni les courses, mais simplement les marches du jeudi, à condition que ce fût en pleine campagne. Il ignorait la femme, et l'immoralité précoce de certains de ses compagnons ne l'avait pas gagné. Les vacances, pendant cette époque, ne se passaient plus chez l'oncle Régalard, mais chez ses parents. Là, son esprit délicat avait souvent été froissé. Les compliments bêtes des amis et de sa famille le faisaient rougir. Son père et sa mère, qu'il aimait certes, et de qui il était aimé, ne soupçonnaient pas chez lui une telle sensibilité. Un soir qu'il venait de lire un volume, la mère, dont l'héroïne souffre de ses fils méchants, il fut pris d'un besoin de tendresse et alla dans le magasin où Madame Picot faisait les comptes de fin de mois. Il s'approcha d'elle et, caressant, l'embrassa. La mère, arrêtée au milieu d'une addition, lui dit brusquement « Tu m'ennuies, tu me déranges !» Il ne répondit pas, mais alla pleurer dans un coin. Quand il redescendit, il avait les yeux rouges, ce qui fut remarqué. Comme il ne voulait pas avouer la cause de sa peine, son père le traita d'original et d'idiot. Ça avait été un des chagrins de sa jeunesse, il y avait 10 ans de cela. Et ce soir encore, pour un rien, parce qu'il était rentré un peu tard, son père l'avait malmené, lui qui allait sur ses 17 ans. Il n'était pourtant plus un gamin. Son cœur bondissait, le sang congestionnait sa face. Sentant une chaleur lui monter au front, Jean se regarda dans la glace et avec complaisance s'y arrêta, trouvant qu'il avait quelques ressemblances avec Lord Byron. Même regard, même teint. Pas tout à fait, cependant. Il était un peu trop rosé. Seuls les cheveux n'étaient point ceux du poète. il se dit qu'il les laisserait pousser. Alors il ouvrit la fenêtre, car il étouffait. La chambre donnait sur un jardin potager, au fond duquel une haie s'élevait, le séparant de la route d'Orbec. La maison, située à l'extrémité de la ville, était presque en pleine campagne. Jean, qui avait allumé une pipe, s'accouda sur la barre d'appui et songea. L'été finissait, des odeurs de foin venaient de la côte, en face plus pénétrante pendant cette nuit orageuse. Au ciel passaient de gros nuages gris, à travers lesquels s'épandait faiblement une clarté. Jean regardait la route, claire entre les haies sombres. Un passant, attardé, s'éloignait, rythmant sa marche avec un bâton qui sonnait sur les cailloux. Et les roquets, réveillés, poussaient d'échappement, repris de loin en loin à chaque ferme. Son chien dans le jardin, après avoir aboyé longuement, rentra dans la niche, en agitant la chaîne qui roula sur le bois avec un bruit lugubre, puis un froissement de paille remuée. Et plus un bruit. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Jean frissonna. Le froid le saisissait, en même temps que la tristesse lui emplissait le cœur. Et quoi? Tous ses beaux rêves avorteraient peut-être. Il avait peur de vivre au milieu des mesquins, lui qui se découvrait, sans pouvoir les préciser, des besoins d'activité et de grandeur. Il comprenait que c'était peut-être absurde, mais pourquoi une ambition inavouable l'avait-elle prise ainsi? Ne sentait-il pas autrement que tous ceux qu'il fréquentait? Il se dit « je serai quelqu'un ». Avec un geste de comédien, il tendit le bras vers la vallée, dans la direction de Paris, dont il voyait certes le flamboiement, et il dit « c'est là qu'il faut aller ». « Jean, Jean, vas-tu bientôt te coucher ?» Il tressaillit. Dans son exaltation, il avait parlé haut, et le père Picot s'était réveillé.